bon aussi ci biir diñ ci fekk 11 xamis xamis yi ma la waxoon noonu 11 xamis mooy bokk na ci yi ma la yónnee woon photo yi 11 yooyu bu weex bi rek moom moo ci presque yaani doon lu nga xamante ni mën na jar ba ay 10,000 jëm kaw mais yeneen yi ci des yépp bu fekkente ni am na diggante yaani bu man sama bopp laa la wax ki nga xam ne moom moo ko joxoon comme ni ma la expliqué moo ci amee masalan 7,500 lu dina baax pour moom daal parce que moom côté 7,500 côté la ma ko joxe woon mais ma ni ko après bàyyi ma yónnee ko dëkk ba pour xool ba xam parce que ma xaas yi dafa xawoon ngànde donc bu ma ci amee loolu alhamdulilah buñ ci amul loolu tamit même buñ ko mënee jaay lu nga xam boo gisee ni loolu prix boobu dafay cher pour mo pour genre yooyu tamit mën nga ma wax après ñu xool ni ñu def pour ñëpp am ci dara barakallahu fik.